Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions diffusées en février 2019 en compagnie du théâtre de Tchekhov. Si vous avez froid, si vous vous ennuyez, si les premiers rayons printaniers vous plongent dans une mélancolie irritée et molle, si vous voulez sans cesse partir mais n'y arrivez pas, si vous sentez à la fois un âge d'or et un héritage défaillant qui pèse sur vos épaules, et enfin si vous aimez le génie théâtral qui s'exprime sous une plume sublime et dévoile une douloureuse lucidité, écoutez Tchekhov, qui cette semaine s'adresse à vous, à partir de quatre pièces qui vous marqueront pendant longtemps. Avant Ivanov, les trois sœurs et la cerisée, aujourd'hui Platonov. Черт знает, чего только! Порфир Семенович, очень рад вас видеть. Как поживаете? Как живете, можете? Да садитесь же, господа! Рассказывайте как! Жарко сегодня. Я сажусь. Прелесть-то за запах. Мне кажется, мы уже 100 лет не видались. Bonjour, Françoise Morvan. Bonjour. Bonjour André Markovitch. Bonjour. Bienvenue à tous les deux ici pour le début de cette semaine sur Tchekhov. Je voudrais commencer par vous remercier pour votre travail puisque vous avez tous les deux traduit tout le théâtre de Tchekhov qu'on trouve aux éditions des Actes Sud. Et Tchekhov est ainsi rendu vivant, passionnant à lire et vraiment merveilleux. Donc je suis contente de commencer cette série avec vous. Vous êtes tous les deux les traducteurs de Tchekhov. Est-ce que plus vous le traduisez, plus vous l'aimez, Françoise Morvan? Oui. C'est vrai? Nous vivons dans un compagnonnage permanent avec Tchekhov. Depuis combien de temps? Ah ben, bientôt 30 ans maintenant. Et vous ne vous en lassez pas? Au contraire, on a tout le temps des expressions de Tchekhov qui nous reviennent. On a plus le temps passe, plus on l'aime, plus on le découvre. À chaque fois qu'on a travaillé sur Tchekhov, à chaque fois on a trouvé des choses. Et je suis absolument persuadé que quand on aura 90 ans, ce sera pareil. Parce que vous avez traduit André Markovitch, aussi Pushkin, Dostoïevski, beaucoup de grands auteurs russes. Tchekhov, c'est un cas à part pour vous? À part Pushkin, ça c'est encore autre chose. Oui, c'est ça, je crois que Pushkin est plus proche de votre cœur. Mais oui, je pense que quand j'ai traduit Dostoïevski, comment dire, maintenant, à l'âge que j'ai, donc près de 60 ans, je pense que Dostoïevski est plus loin de moi. Alors que Tchekhov, il est toujours de plus en plus proche. Et ça, c'est vraiment... Et c'est, pour François, c'est pareil, c'est... Oui, ce qui est extraordinaire, c'est après quand même plus d'un quart de siècle de répétition, de travail avec des comédiens. Quand on arrive au travail à la table, on se dit, bon, bah voilà, on connaît la pièce par cœur. Alors, maintenant, on sait qu'on ne va pas s'ennuyer. Mais normalement, on devrait s'ennuyer. C'est tout le paradoxe en plus du théâtre de Tchekhov, où tous les personnages s'ennuient, mais le spectateur jamais. Et chose incroyable, c'est que on voit les comédiens qui prennent le texte et puis ils ont le droit de poser toutes les questions qu'ils veulent normalement. Et à chaque nouvelle mise en scène, une question se pose. À un moment ou à un autre, une question se pose. Pourquoi ça? Et donc, on se dit, bah oui, on ne s'est jamais posé la question. Et Tchekhov y avait pensé. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait, pas intentionnellement, mais inconsciemment, compris tout ce qui se passait à chaque instant. C'est un exercice de précision, de transmission par la conscience qu'il a de tous les rôles qu'il a compris simultanément. Ce qui est absolument extraordinaire, puisque quand on a traduit Platonov, qui est une pièce vraiment de jeunesse, on se dit, mais là, c'est la première fois que Georges Lavaudan a demandé la traduction à André. Sincèrement, on n'avait rien compris. Au texte Platonov, c'est vrai? Ah non, j'ai relu comme j'ai relu Dostoïevski ou d'autres textes. Et je me dis, mais quand même, Georges Lavaudan, c'est un grand metteur en scène. Mais pourquoi est-ce qu'il a pris ce mélo? On ne sait pas où ça commence, où ça finit. Ça n'a pas... Et puis, après, quand on a travaillé à la table, et que, surtout, on a assisté aux premières répétitions, au tout début. Et là, on est resté figé, c'est-à-dire qu'on n'avait rien compris. On n'avait pas compris que ça repose sur le comique, avec, même à 18 ans, Tchekhov met en place des données qui sont, alors, apparemment tragiques, avec une possibilité de comique à l'intérieur, et comme si c'était en transparence, la compréhension de la chose complètement différente en situation. Alors, on va écouter cette pièce avec vous aujourd'hui. Oui. D'abord, un mot sur le statut de ce texte Platonov. En effet, André Markovitch, Tchekhov l'écrit très jeune, il a 17-18 ans. Oui, il l'a écrit à 17-18 ans. Donc ça fait 1877, puisqu'il est né en 1860. C'est ça. Et il y a plein de choses liées à, spécifiquement à l'année 1877 dans cette pièce. Hein, la mort de Nekrassov, enfin des choses comme ça. C'est-à-dire, il l'écrit avant que Dostoïevski ne commence à écrire les Karamazov. Hein, 77, c'est l'année où Anna Karénine paraît en volume 1. C'est-à-dire, c'est en fait, c'est la grande époque de ce qu'on appelle faussement, mais quand même, le roman russe, la grande fresque. Ce qui explique aussi, d'ailleurs, beaucoup de choses de cette pièce, qui est une pièce et aussi un roman, avec tellement de personnages, etc. Il l'écrit en 1878, il l'envoie à la plus grande actrice de l'époque, qui est Maria Irmolova, qui est, je sais pas, comme Catherine Deneuve, vous voyez, maintenant, oui, qui lit la pièce, qui est absolument incroyable, et qui la refuse pour plein de raisons. Après, il la corrige. On ne sait pas exactement comment, et puis on n'en parle plus. Et personne n'entend parler de cette pièce. Et puis... Alors qu'il en écrit d'autres. Et bien sûr, là, voilà. Et puis, mais c'est, il commence à écrire du théâtre 10 ans plus tard. Et puis, en 1914, quelqu'un parle de cette pièce, dit que, voilà, il existe une pièce. Et en 1920, on découvre qu'il a un coffre dans une banque. Parce que lui meurt en 1904. 1904, on découvre qu'il a un coffre dans une banque, et donc on ouvre le coffre, et on trouve deux choses. On trouve le manuscrit d'une pièce sans titre, parce que Platonov n'est pas le titre, et le réticule, le petit sac de sa mère. Mais ça c'est vrai, parce qu'on dirait que c'est romanesque, c'est si romanesque que ça n'a pas réinventé. C'est le seul manuscrit de Tchekhov qu'on ait gardé. Alors qu'il ne l'avait pas publié. Voilà. Donc alors il a fallu en faire quelque chose. Donc la pièce paraît en 1923 et commence à être jouée beaucoup plus tard. Parce que c'est une pièce qui ne correspond à aucun canon dramaturgique d'aucune sorte. Voilà. Mais qui en elle-même comporte, qui inclut toutes les autres pièces. Alors avant d'en parler plus en amont, je vous propose d'écouter un premier extrait. L'auditeur se demande sans doute qui est Platonov. Eh bien voici la réponse, qui est Platonov? Qui est-il? Quel genre d'homme est-il, ce Platonov? C'est un héros ou non? Comment vous dire? Je crois que Platonov est la meilleure expression de l'incertitude de notre époque. Il est le héros du meilleur des romans contemporains. Mais un roman, hélas, que personne n'aurait encore écrit. Parlons d'incertitude, je veux dire l'état de notre société. L'homme de lettres en Russie sent bien cette incertitude. Il s'est fourré dans une impasse, il se perd, il ne sait plus sur quoi s'arrêter, il ne comprend plus rien. Ils sont durs à comprendre, ces beaux messieurs. Les romans sont mauvais au possible. Ils sont mesquins, artificiels. C'est bien normal. Nous n'avons plus la moindre certitude, nous ne comprenons plus. Tout s'embrouille à l'infini, tout se mélange. Et c'est à mon avis cette incertitude-là qu'exprime ce bel esprit qu'est notre Platonov. Il va bien? Il paraît que ça va. Un brave petit homme. Oui, ce serait péché de ne pas l'estimer. Je suis passé le voir plusieurs fois cet hiver, et je n'oublierai jamais les quelques heures pendant lesquelles j'ai eu le bonheur de lui parler. Il devrait déjà être là. Sergueï, tu l'as envoyé chercher? Deux fois. Toujours des bêtises, messieurs. Kreletsky courait, dit à Yakov qu'il part à sa recherche. Oh, je fais dresser la table. Je m'en occuperai moi-même. Bon, c'est une pièce extraordinaire, on peut le dire tout de suite. On va pas maintenir le suspense plus longtemps, parce que c'est la plus longue de Tchekhov. Elle est très longue, elle est très riche, elle est très fournie. Elle est très drôle et très cruelle. Et chaque tirade, c'est le cas de tout le théâtre de Tchekhov, mais ici de manière assez flamboyante, chaque tirade est l'occasion d'une réflexion très lucide et très juste sur la nature humaine et sur la Russie. C'est exactement ce qui se passe ici, Françoise Morvan. Oui, c'est ce qui est absolument extraordinaire avec cette pièce, c'est que Tchekhov a quand même essayé de la faire représenter. Donc il a coupé, coupé, coupé, et il est arrivé à 6 heures. Et nous, quand on a travaillé à l'école des maîtres, on s'est rendu compte qu'un érudit, Ettore Logato, avait traduit des variantes. Et à chaque fois qu'on a découvert une variante, on s'est dit, mais c'est extraordinaire. On s'est posé une question, là voilà la réponse. Et donc, quand on a refait la traduction, en fait, on s'est rendu compte que même Logato, qui avait fait sa sélection de variantes, ça ne servait à rien, parce qu'en fait, les 8 heures sont aussi intéressantes que les 6 heures. Donc, on a traduit tout ce que Tchekhov avait coupé. Et à chaque fois, on a un éclairage sur le personnage, par exemple. Là, il faut voir que c'est Glagoliev. Alors, qui est Glagoliev ? C'est le vieux, c'est dans la génération des pères, puisque la pièce s'intitule normalement l'ère des sans-pères. Bezatsovchina, le fait de ne pas avoir de père, voilà. Considéré comme phénomène social. Et donc là, on a le regard d'un père, un obereau, un seigneur, enfin, je veux dire, très imbu de lui-même, finalement, la vieille génération qui porte un regard universellement bienveillant sur Platonov. C'est pas un regard critique, mais qui effectivement le décrit comme l'incertitude même. Alors il y a plusieurs choses dans ce qu'on vient d'entendre, et puis on entendra ensuite la façon qu'a Platonov de rétorquer. D'abord, il est présenté comme un personnage de roman, André Markovitch. C'est ça, c'est-à-dire que c'est en gros un personnage d'après Dostoïevski. Ou d'après Tourguenieff, d'après père et fils de Tourguenieff. Glagoliev, c'est par exemple Stepan Trofimovitch dans Les Démons. Verhovensky. C'est le père de Bazarov, enfin, dans père et fils. Et face à cette génération des pères, comment dire, libéraux, bien pensants, bien gentils et absolument nuls, se dresse une génération de fils qui sont des fils cyniques, qui n'ont pas d'héritage. Et ça, c'est le grand questionnement de toute la littérature russe du XIXe siècle. Qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage des pères qui sont nuls ? Mais pourquoi ils sont nuls ? Ils sont absents ou ils sont défaillants ? Les pères sont défaillants, absents, ils ne comprennent rien à la vie réelle. Et toutes les générations d'écrivains russes, depuis Lermontov, depuis donc 1840, remettent en cause l'idée même d'héritage. Et Platonov est en quelque sorte l'ultime instance de ça. C'est le moment où les pères sont non seulement absents, mais heureusement absents. Le père de Platonov était un monstre, sans s'en rendre compte, un monstre bienveillant. Mais sur l'incertitude, finalement, le terme d'incertitude qui est très beau et qui pourrait s'appliquer à toute la nature humaine selon Tchekhov, Françoise Morvan, ce terme-là, il s'applique aussi presque même au contexte, en fait. L'incertitude, c'est l'époque dans laquelle ils vivent, c'est la pièce et c'est le personnage. Oui, et c'est ce que Tchekhov a mis en scène. Je veux dire, quand Platonov épouse Sacha, qui est, elle, une fille, enfin, je veux dire... Lui, c'est la génération des fils, et elle, c'est la fille du colonel Trilevski. Mmh. Donc, elle se présente comme l'héritière des russophiles. Elle porte une vêture très particulière qui montre qu'elle veut aller vers le peuple. Elle a des grandes idées et elle veut redonner à la Russie sa place d'après la culture populaire, etc. Tous ont des grandes idées. Tous sont porteurs d'une forme de, soit de nihilisme, soit de grande bonne volonté de refaire la société. Mais le terme d'incertitude est parfait pour décrire l'état de la société, André Markovitch. C'est pas juste du nihilisme, on ne sait plus trop. Rien ne correspond à rien. Aucune catégorie préexistante ne correspond à la réalité. Et la pièce même dit ça. C'est la première fois dans le théâtre russe qu'il y a des rôles de femmes qui cassent tous les cadres sociaux. Alors là, oui, quel rôle de femme en plus, voilà. C'est la générale. Voilà, c'est une femme qu'on ne voit qu'en état de faiblesse et de tristesse qu'à un seul moment, au tout début de la pièce. Mais qui est une femme forte et une femme seule. Et qui revendique son droit au bonheur, ce qui est... dans la littérature russe, rarissime. et en général, je pense à l'époque, absolument rarissime, qu'on voit boire et qu'on voit fumer. Ce qui, en soi, est hallucinant. C'est-à-dire que je pense qu'une des raisons réelles du refus de Yermolova de jouer cette pièce, c'était le fait qu'elle buvait sur scène. Elle boit, puis elle séduit ouvertement. Voilà. On va entendre la scène de séduction, c'est d'une modernité incroyable. Voilà, c'est des choses absolument incroyables. Et tous les personnages sont comme ça. Et Platonov est maître d'école. Maître d'école, en fait, c'est une chose très importante. C'est-à-dire, c'est justement à l'époque, les jeunes nobles vont dans le peuple répandre l'instruction. Et en fait, il répand rien du tout. La seule chose qui... Le doute, où il se saoule. Ouais. Et c'est tout. Et en fait, ce qui est stupéfiant, c'est à quel point le personnage est creux. À quel point tout le monde court autour d'un centre inexistant. Et à quel point Platonov lui-même est ballotté au gré de on ne sait pas quoi, des femmes ou du vent, je ne sais pas quoi. Oui, il a un côté un peu Don Juan contemporain aussi, hein, parce qu'il séduit énormément pour ne jamais consommer. C'est ça. Bon, on va lui laisser la parole, on va l'écouter qui parle de son père. Les extraits que vous allez entendre aujourd'hui sont tirés de la mise en scène de Claire Lane en 1997. C'est Patrick Pineau dans le rôle de Platonov, Anne Alvaro dans le rôle d'Anna Petrovna, vous l'entendrez. Et ici, on entend également Gérard Hardy dans le rôle de Glagoliev. C'était un grand cœur, votre père. Ça, il avait bon cœur. Pas bon, non. Insouciant. C'était un grand homme dans son genre. Je l'estimais beaucoup. Nous étions bons amis. Eh bien, moi, je ne pourrais pas en dire autant. Je n'avais aucune estime pour lui. Et lui me tenait pour un bon à rien. Et nous n'avions pas tort, ni lui ni moi. Voilà un homme que je n'aime pas. Il m'est pénible de m'en souvenir, mon cher Porfiry Semyonitch. Sa maladie, sa mort, les créanciers, la vente du domaine... Ajouter notre haine à tout cela, c'est terrifiant. Il mourait comme seul peut mourir un débauché jusqu'à la moelle des os. Richard de son vivant est ruiné à sa mort. Un homme qui n'avait pas tous ses esprits, un caractère insupportable. J'ai eu le malheur d'assister à sa fin. Il jurait, s'énervait, riait aux éclats. Sa figure se tordait, ses poings se serraient. Et cherchait les gueules des domestiques. Ce qui coulait de ses yeux, c'était le champagne qu'il avait bu, lui et ses picassiettes, sur le dos de ceux qui vivaient en haillons. Je me suis ramené pour qu'il se confesse. Je lui ai parlé, sur le ton le plus digne. Je m'en souviens. Je lui ai rappelé ceux qu'il avait humiliés, ceux qu'il avait fouettés à mort, les femmes qu'il avait violées. Et je lui ai rappelé aussi la campagne de Sébastopol pendant laquelle lui et les autres patriotes, ils ont pillé sans vergogne leur patrie. Il m'a regardé avec un tel étonnement. Il était stupéfait. Il a éclaté de rire. Qu'est-ce que tu viens me raconter comme bêtise, Micha? Vous comprenez? Il mourait avec l'idée d'être un brave type. Être une crapule patentée et refuser de l'admettre, c'est l'effrayante caractéristique des canailles russes. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et le théâtre d'Anton Tchekhov qui nous accompagne cette semaine, aujourd'hui en compagnie d'André Markovitch et Françoise Morvan, qui sont les deux traducteurs de Tchekhov disponibles en Actes Sud, aux éditions Actes Sud. Aujourd'hui, nous parlons de Platonov, que vous venez d'entendre, interprété ici par Patrick Pineau. D'abord, aidez-nous à comprendre, peut-être André Markovitch, vous avez parlé de l'importance de la relation père-fils, ces pères qui sont nuls. Que s'est-il passé en Russie pour en arriver là? Mais... ce qui était dans l'extrait qu'on a entendu, il y a une chose invraisemblable, c'est le mot patriote, l'emploi du mot patriote. Les patriotes, le jeune Tchekhov, l'emploie comme les profiteurs. C'est-à-dire ceux qui, au nom de la patrie, pillent et violent et tuent. Et ça, c'est absolument sans aucun exemple dans la littérature russe. Et à quoi fait-il référence? Ben, d'abord au servage. Tchekhov est né en 1860, le servage est aboli en 1861. Et donc les propriétaires, Platonov père, de fait, violaient, fouettaient, tuaient avec la meilleure bonne conscience du monde. Après, il y a eu, entre 1853 et 1855, comment dire, la campagne de Crimée, qui a été une catastrophe invraisemblable en Russie, où l'armée était tout le temps, comment dire, où tous les nobles russes, tous les intendants russes, tous les commerçants pillaient l'armée et pillaient les soldats. Donc c'est, il en dit, il en parle d'ailleurs dans la pièce. Françoise Morvan. Oui, la pièce est tramée sur ce fond historique. Ce qui est fascinant avec Tchekhov, c'est qu'il y a toujours un arrière-fond qui est présent, qui n'est pas présent. Dans Platonov, il est particulièrement présent, puisqu'on voit un vieux soldat qui, à la fin, est devenu messager et qui porte les télégrammes. Quoi. Voilà. Mmh. Puis il y a le colonel Trilecki. Enfin, tout est tramé sur le fond de la guerre de Crimée. Trilecki dit, moi, vous voyez, j'aurais pu voler, mais je ne l'ai pas fait. Mais on entend très bien que... En fait, il l'a fait, bien entendu, tel que c'est dit. Ce qu'on entend aussi dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que Platonov cherche, certes, à se détacher de son père. Y arrive-t-il ? C'est toute la question, parce qu'on voit comment il se conduit. Il ne se conduit pas non plus de manière très vertueuse. Mais il cherche, dans cette incertitude, il cherche une sorte de vérité. Il cherche comme une voie à suivre. Et ça, c'est assez touchant de voir qu'il va chercher une sorte de ressource pour aller dans une direction sans vraiment y parvenir, sans vraiment même la nommer. Mais il y a quand même cet élan-là, non ? Françoise Morvan. C'est-à-dire, si on remet ce passage-là, ce qu'on vient d'entendre, en contexte, c'est un passage que Tchekhov avait coupé. Hein. Donc, on l'a remis entre crochets, et surtout, on trouve que c'est un passage, évidemment, très éclairant. Mais, c'est-à-dire, la vérité de Platonov, la question qui est derrière ce passage, c'est, mais à quoi ça sert d'aller dire ça à un mourant ? Je veux dire, c'est une vérité qui ne sert rigoureusement à rien. Et pourtant, elle le tue. Qui le tue ? Mais c'est ce que fait Platonov. C'est assez bizarre, c'est un personnage... Comment dire ? C'est une force négative. C'est un personnage creux qui exerce un pouvoir absolu sur les autres, pas seulement les femmes, et qui produit... de plus en plus de désastres. C'est comme une préfiguration de Staline, c'est assez curieux. Don Juan, le commandeur en même temps, c'est cette force négative. Donc là, dans ce passage, mais c'est quelque chose que Tchekhov ne dit pas. Mais voilà cette grande déclaration de haine au père, et pour des raisons parfaitement argumentées, où soudain, on est devant un mourant et on va lui dérouler tous ses crimes. C'est un autre crime, si on veut. Mais cette vacuité de Platonov, c'est étonnant parce que quand les personnages parlent de lui, ils disent toujours au contraire qu'il en dit trop. D'ailleurs, la manière de le taquiner qu'ils ont trouvé, c'est de dire que c'est un philosophe. Il dit, arrête avec ta philosophie, arrête avec ta philosophie. Comme si justement, peut-être qu'il était vide, mais il se prenait la tête pour le dire trivialement. André Markovitz ou Françoise Morvan ? Platonov... Platonov, c'est Platon d'ailleurs. Il y a un oui, lien, le ou petit Platon, ouais. Bien sûr, c'est le Platon miniature. Platoshka, ouais. Ah, voilà notre Platon miniature. C'est, il y a dans Tchekhov, dans le théâtre de Tchekhov, il y a des lignées comme ça de personnages qui savent, qui attirent les autres parce que les autres, tout le monde attend qu'on leur donne une ligne de conduite, une vérité. Et c'est la manière qu'ont les séducteurs de capter leur victime. C'est forcément, si ça marche, c'est que ils savent attirer, mais attirer par le vide. Alors, il y a toujours des propositions morales. C'est extraordinaire parce que la pièce se déroule sur quand même des séries. Il y a la série des pères qui sont présents, donc il y en a des quantités hein, quand même. Et tous aussi nocifs d'ailleurs. Et la série des femmes, et qui se font capturer par Platonov. Donc, il séduit la générale, il séduit Sofia, il séduit Grekova, et sincèrement, quand on est en répétition, et qu'on se dit, mais bon, ça va pas marcher, c'est pas possible, eh bien, il y a la manière du séducteur d'engendrer du vide, de manière à appeler et de faire du plein pour repousser un peu de manière à attirer mieux. Dans les scènes de séduction, c'est absolument extraordinaire. Donc c'est purement ironique le clin d'œil à la philosophie. Platon, non, il attire. Quand il séduit Sophia, il dit nous étions étudiants et nous avions des grandes idées, nous voulions changer le monde. C'est un côté très 68ard en fait, Platonov. Plus ça va, plus c'est actuel. Ça c'est vrai, d'ailleurs après MeToo et ce qui s'est passé, là, la pièce a un écho, on va y venir dans un instant, un écho troublant. Et donc Sophie a épousé donc, le fils de la générale et est très contente apparemment. Et le fils de la générale est absolument éperdument amoureux de cette Sophie. Donc la manière dont Platonov l'attire, c'est de lui dire « Mais souvenez-vous, avant vous n'aviez pas épousé cette espèce de bon à rien. Vous étiez, on avait tellement d'espoir. C'est incompréhensible. » Donc elle se penche sur elle-même, sur son passé. Et puis elle se dit « Mais Platonov va m'apporter ce qui me manque. » Comme tout le monde d'ailleurs. Et puis, il y a encore cette chose, c'est que le roman russe apprend, chaque écrivain russe apprend aux autres comment il faut vivre. Et ce qui est extraordinaire dans Tchekhov, c'est que justement, lui, il n'apprend rien du tout. Alors, Platonov essaie d'apprendre aux autres, mais la démonstration est faite que lui, il apprend, mais comment il vit, c'est le contraire. Et pour revenir à cette idée d'incertitude, je pense que c'est aussi ça qui est remarquable, c'est que c'est une incertitude qui est, pour le coup, fondatrice. Il ne peut pas y avoir de vérité absolue en dehors de juste de la situation concrète des gens concrets. Et Tchekhov, après, il disait toujours, mais il ne faut pas apprendre aux gens comment vivre, il faut leur montrer comment on vit. Mais la situation concrète, c'est l'ennui, hein, chez Tchekhov. Oui. Toutes ces pièces quasiment commencent par un ennui qui fait bâiller les personnages. Mais en fait, ça, je ne sais pas s'ils s'ennuient vraiment. Là, en fait, c'est vrai. La première scène, hein, scène 1, on s'ennuyote, on s'ennuie, Nicolas, le spleen, l'oisiveté, le cafard, Regardez, quelle est la situation. C'est ça qui est bizarre. Elle est au piano, quand elle dit ça. Alors, elle ne joue pas. Elle a la tête baissée. Voilà, elle ne joue pas. Mais Trilevski, d'où il vient ? Trilevski lui embrasse, on disait ça, il lui embrasse dans la main, le creux de la main. Mais quel est le rôle de Trilevski vis-à-vis de la générale ? Quand tu t'embrasses, quand on embrasse dans le creux de la main, c'est pas du tout comme on fait un baise-main, c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire quoi, alors ? Mais que c'est un geste au minimum intime, pour ne pas dire érotique. Donc ils disent qu'ils s'ennuient, mais il n'en est rien. C'est-à-dire que... Parce qu'il y a beaucoup d'ennuis, on parlera d'Ivanov un peu plus tard cette semaine, les personnages disent en permanence qu'ils s'ennuient, vous pensez que c'est pas si vrai? Je sais pas comment dire ça, je comprends pas ce que c'est l'ennui de Tchekhov, moi. Françoise, bon, ça c'est fou, parce que c'est vraiment le premier adjectif qui vient... La première fois, j'étais lycéenne, notre prof de philo nous avait donné des billets pour aller voir une pièce... Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux, c'est effrayant, mais évidemment si un metteur en scène représente l'ennui en faisant en sorte que les spectateurs s'ennuient, c'est vrai que c'est assez lugubre, mais la question c'est que le début du théâtre de Tchekhov, c'est donc ces deux premières répliques avec la générale, c'est la fin de la matinée, on arrive dans un salon et la générale est à le front penché sur les touches de piano. Arrive là-dessus un personnage complètement agité et goinfre, qui est donc le médecin qui ne soigne personne. Donc, ce qui, pour Tchekhov, qui était médecin, signifie quelque chose. Et donc, nous, on avait traduit comme tout le monde, on a dit « Quoi ? Rien ?» C'est vraiment... Chevaux, hein. Chevaux, Nietzsche, donc c'est vraiment « Quoi ? Rien ?» Assimile leçon 1, voilà. Et la générale qui dit rien, on s'ennuie. Bon. Et après, il fume. Oui. Alors, Platonov était au programme des classes à trois théâtres. Donc, on était dans une classe à Nantes. Et une lycéenne nous dit, cette scène-là, moi, je ne peux pas la jouer. Je dis, c'est pas compliqué. Elle me dit, non, ça dit quoi ? Et là, soudain, on commence à comprendre qu'en fait, on avait traduit des mots, mais on n'avait pas traduit ce qui se joue sur le thème de l'ennui. elle dit la générale, qui est quand même dans une situation complètement désastreuse, a dans la seul moment de la pièce s'ouvre sur un moment d'abandon, de elle a la conscience du désastre qui l'entoure. De solitude. Oui. Voilà, et donc elle voit arriver le médecin qui au moins va peut-être apporter quelque chose. Et le médecin dit chto. Donc qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce, quoi, qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, ouais, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, une femme pareille comme ça dans une position d'abandon. Et il pose la question, est-ce que vous allez me dire qu'est-ce qui ne va pas? Et elle répond, rien, on s'ennuyote. L'ennui chez Tchekhov, c'est comme les pauses. Dans les pauses, il y a un vertige. Tout se passe à ce moment-là. Et clac, ça repart. Peut-être qu'il faut entendre par la multiplication, oui, des références à l'ennui, non pas un ennui que ressentent les personnages, mais la manifestation du fait que ces personnages ont tellement envie de faire quelque chose, aiment bien tellement sûr, la vie, oui, que dès que ce n'est pas une intensité extrême, ils s'ennuient. C'est ça, voilà, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et Nietzsche ne veut pas dire rien. Ça veut dire ça va. Oui. Ça veut dire laissez-moi tranquille. Ça veut dire je suis seul et je reste seul. Et à vous et avec vous qui êtes dans ma chambre et qui vous m'embrassez dans le creux de la main, je ne peux que partager rien. Non, puis ils vont blaguer. Vous blaguez. C'est-à-dire. On a entendu le début de la scène tout à l'heure. En russe, c'était très joyeux. Voilà. Oui, ça va très mal. Alors donc, on va papilloter par là-dessus pour s'en sortir. Voilà. Alors, à partir du moment où le metteur en scène fait jouer ça, c'est comme cette lycéenne, à partir du moment où on a compris, elle l'a joué. Et aucun des metteurs en scène avec qui on allait travailler n'avait vu la chose. Et, et c'est les premières répliques de tout le théâtre de Tchekhov. Quoi ? Qui peut dire qu'est-ce qui ne va pas ? Et ça va. Impeccable. Ça va super mal, mais... On va suivre Platonov cette fois-ci en train de séduire Grekova. Alors, c'est un moment très important de l'intrigue. S'il y a une intrigue, c'est toujours un peu dans le théâtre de Tchekhov, c'est comme ça. Il se passe beaucoup de choses et finalement, l'histoire elle-même est peut-être secondaire. Là, il y a quand même un retournement parce que ce qui va se passer ici, au moment de cette scène de séduction, eh bien, va avoir pour suite, dans l'acte 3, la convocation de justice reçue par Platonov, car vous allez le voir, il se comporte très mal avec Maria Grekova, qui est ici interprétée par Claire Lanne. Vous n'avez pas entendu ? Eh bien... Je peux le répéter ? Dites toujours, belle dame. Je ne suis pas belle. Me trouver belle, c'est n'avoir aucun goût, sincèrement. Vous êtes de mon avis, c'est vrai que je ne suis pas belle. Ça, je vous le dirai plus tard. C'est vous qui avez la parole. Eh bien, écoutez. Soit vous êtes un homme extraordinaire, soit vous êtes une canaille. C'est l'un ou l'autre. Vous riez, oui, c'est vrai que c'est drôle. Non, mais... Elle l'a dit comme ça, la petite courbe. Non, mais dites-moi un peu. Et, s'il vous plaît. Parce qu'elle aussi, hein, elle va où va la foule, hein. Elle est philosophe, elle fait de la chimie. Et quelle sentence. Elle vous assène. Pardon, mais... Pourquoi m'embrassez-vous ? Je n'ai pas la moindre... Elle a parlé. Elle a frappé. Elle s'est dit... Je lui dis... Je le foudroie. Qu'il voit comme je suis maligne. Elle est toute perdue, là. Elle est toute perdue, puis elle me regarde d'un air bête de Jésus. Vous... Vous êtes amoureux de moi. Et toi, tu m'aimes ? Si vous... Alors... Oui ? Tu m'aimes. Sinon, tu ne ferais pas ça. Tu m'aimes ? Pas le moins du monde, ma jolie. J'aime pas les idiotes. Hey, je suis méchant, hein ? Je n'aime qu'une petite toi, mais juste pour passer le temps. Ah, la voilà toute pâle. Les yeux qui lancent des étincelles. Vous vous moquez de moi. Elle est capable de m'en flanquer une. J'ai ma fierté. Je ne sais pas me salir les mains. Je vous ai dit, monsieur, que vous étiez soit un homme extraordinaire, soit une canaille. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que vous êtes une canaille extraordinaire. Et évidemment, l'emploi du terme extraordinaire ici est très important. Hein, la distinction entre ordinaire et extraordinaire chez Tchekhov est très importante. La comparaison avec Don Juan ne tient pas vraiment parce que Don Juan n'est jamais aussi méchant que ça avec les femmes qu'il séduit, Françoise Morvan. Là, c'est de la cruauté pure. Et il le dit. Oui, c'est un... Ce qu'il faut préciser pour Grekova, qui traite comme une petite dinde, c'est que c'est une étudiante en chimie. C'est précisé dans la pièce. Donc, c'est à l'époque, en 1878, une femme qui fait des études scientifiques, c'est non seulement rare, mais exceptionnel. Donc, le résultat, c'est que Grekova est traitée comme une imbécile par quelqu'un qui ne lui arrive pas à la cheville. Et parce qu'elle est intelligente. Parce qu'elle est intelligente. Précisément parce qu'elle est intelligente. André Markovitch. C'est une des scènes qui condamne Platonov. C'est-à-dire, c'est un abîme de cruauté et de bêtise. Et c'est lui qui va où va la foule. Oui, parce qu'il lui dit, elle aussi, elle va là où va la foule. Mais c'est lui qui va, c'est-à-dire, puisque l'opinion commune de l'époque, c'est qu'une femme qui fait des études, c'est un bas bleu, c'est quelqu'un qui n'a aucune vie, etc., etc., etc. Et de voir Platonov qui avait des idéaux de fraternité ou de je sais pas quoi, ou de changer le monde, et qui se conduit de cette façon-là, est accablant. C'était en fait une des rares scènes dans lesquelles on peut considérer que Tchekhov, d'une façon ou d'une autre, condamne un personnage. Oui, là, on ne peut plus le sauver après cette scène. À mon avis, non. À mon avis, non. Et ce qui est grandiose, c'est la réaction de Grekova. Enfin, comment dire, les deux réactions de Grekova, le fait qu'elle va porter plainte, et que quand même, à la fin, elle va venir le sauver, ce qui, enfin, essayer de le retrouver d'une façon ou d'une autre. Ce qui est encore un abîme de complexité et de... Ouais, un abîme psychologique, quoi. Mais au fond, est-ce que Platonov ne préfère pas être une canaille extraordinaire? C'est ainsi qu'elle le qualifie, qu'un homme banal et normal. Au fond, dans l'extraordinaire, il y a quand même quelque chose qui le distingue du reste, et du troupeau et de la foule. Françoise Morvan. C'est clair, il a besoin absolument d'imposer sa marque de jouer. C'est pas vraiment pour lui une insulte, en fait, si? Non, il trouve ça formidable. Et le fait d'être finalement au centre, même du scandale, c'est bien. Et c'est aussi pour ça que, comment dire, que Ossip, le brigand, va jouer un rôle très important, parce que finalement, c'est lui qui voit ce que Platonov est. Et c'est aussi un rôle d'une façon ou d'une autre dostoïevskien, comme dans Les Démons, comme en Fetchka, le bagnard, vous voyez. C'est quand, comme une espèce de jugement du peuple, même si c'est pas vraiment le peuple, parce que Ossip c'est vraiment un brigand qui tue aussi les gens du peuple, qui les vole, etc. Mais, une espèce quand même de condamnation et de dégoût vis-à-vis de lui. Ce qui est extraordinaire aussi dans cette pièce, c'est que malgré tout ce dégoût, nous on n'arrive pas à ne pas le considérer comme pas comme fascinant, mais comme je sais pas sympathique, mais je sais pas quel est le mot en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait appeler. Les bons personnages généralement n'arrivent pas à les qualifier. Ben non, voilà. On est dans cette hésitation, comme le disait le personnage au début en parlant de Platonov. Mais ce qu'il y a de très surprenant dans cette scène et dans cette pièce, c'est pas simplement que Platonov embrasse de force Grekova, c'est qu'elle lui fasse un procès. Mais c'est ça, c'est la pour un baiser imposé. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mais à l'époque. C'est. Il l'a ridiculisé en public aussi. C'est ça. Puis à maintes reprises. Oui, mais ça tombe pas sous le coup de la loi, ridiculiser en public. C'est qu'elle trouve quand même un moyen de lui coller un procès. En tant qu'instituteur, il a une obligation de donner le bon exemple. De moralité. Mais Alors, cela étant, la scène qu'on vient d'entendre, le personnage sympathique, c'est Platonov. Moi, je trouve très sympathique Platonov, comme tout le monde d'ailleurs. Là, moi, je dis, n'oublions pas que Grekova, c'est quand même une femme qui fait des études de chimie à un très haut niveau. Elle fait de la recherche et qui est toute jeune Donc, moi, je rappelle ça, mais à part ça, quand on a entendu la pièce, elle était, Claire Lane l'a jouée de manière exacte, c'est-à-dire qu'elle s'indigne, elle trouve ça vraiment, mais qu'est-ce qu'on veut ? Elle est ridicule. Pas totalement ridicule, parce que sinon ça marcherait pas, mais ça peut se jouer très comique. Et Platonov a l'adhésion du spectateur. Oui, c'est la magie de la fiction, c'est qu'on adhère immédiatement à des personnages odieux. Oui. Comme les Don Draper dans Mad Men aujourd'hui, c'est un peu pareil. Alors, on va retrouver Platonov, cette fois-ci, avec la générale. Vous verrez, il change complètement de ton. Puisque la générale est beaucoup plus son égale que ne l'était Grekova. Et c'est la générale elle-même qui va vouloir le séduire. Et contre toute attente, lui, va pas vraiment s'adonner à ce jeu de séduction. Pourquoi restez-vous là ? J'étouffe dans les pièces. Et ce beau ciel vaut mieux que les plafonds chaulés par vos paysannes. Quel temps splendide ! Un air si pur, et cette fraîcheur, les étoiles, la lune. C'est dommage que les dames n'aient pas le droit de dormir à la belle étoile. L'été, quand j'étais petite, je passais toutes mes nuits dans le jardin. Vous avez une nouvelle cravate ? Oui. Ce soir, je me sens toute bizarre. Ce soir, je trouve tout à mon goût, je fais la fête. Mais dites-moi quelque chose, Platonov, pourquoi restez-vous sans rien dire ? C'est pour vous entendre que je suis venue. Et que voulez-vous que je vous dise ? Dites-moi quelque chose de nouveau, de mignon, d'acidulé. Je vous vois tellement brillant, tellement mignon. Vraiment, il me semble que ce soir, je n'ai jamais été aussi amoureuse de vous. Vous êtes un ange. Vous n'êtes presque pas d'esclandre. Mais vous aussi, ce soir, vous êtes tellement belle. Mais vous êtes toujours belle. Platonov, nous sommes amis tous les deux. Selon toute vraisemblance, je crois que nous sommes amis. Et qu'est-ce d'autre que l'amitié sinon ça ? Mais donc, nous sommes amis, n'est-ce pas ? Nous sommes de grands amis. Je me suis fait à vous très fort. Je me suis attaché. Il faudra beaucoup de temps pour que je vous désapprenne. De grands amis. Enfin, très chère, qu'est-ce que ces questions ? Des amis. Des amis. On dirait une vieille fille. D'accord. Mais savez-vous, mon cher monsieur, qu'il n'y a qu'un pas entre l'amour et l'amitié d'un homme et d'une femme. Et pourquoi vous me dites ça ? Nous pouvons faire des pas ensemble, ce n'est pas au diable que cela nous mènera. L'amour, le diable, quelle comparaison. Ta femme ne t'entend pas. Oh pardon, excusez-moi, je vous dis tu, je vous jure Michel, ça m'a échappé. Et pourquoi ne pas en faire des pas ? Nous sommes des êtres humains. L'amour n'est pas un mal en soi. Pourquoi rougissez-vous ? J'ai l'impression de deux choses l'une, que soit vous faites de douces plaisanteries, soit vous voulez m'expliquer quelque chose. Venez danser une valse. Mais vous ne savez pas danser. Quel personnage féminin ici, joué par Anne Alvaro. Alors, il y a beaucoup de personnages féminins fantastiques chez Tchekhov, hein, mais il y en a peu qui prennent le dessus et qui ne se font pas écraser par les hommes, non, Françoise Morvan ? À la générale, c'est le premier personnage féminin de Tchekhov. Qui engendre quand même un certain nombre de lignées, de personnages jusqu'à la Cerisaie, où les femmes sont écrasées d'une manière ou d'une autre, mais réagissent. Là, en fait, le thème de Platonov, c'est va-t-il réussir à séduire la générale qui pourrait être sa mère ? Tout est basé là-dessus. Et bon, ça marche pas, donc... Mais voilà. Là, c'est elle qui veut le séduire dans cet extrait. Oui, mais c'est lui qui ne veut pas. Mais c'est-à-dire, il veut pas, peut-être pourquoi, parce oui. que, peut-être parce que finalement, c'est la seule personne à laquelle il tienne vraiment. Qu'il respecte vraiment. Et que... Alors, c'est une autre... C'est un autre aspect du personnage. En fait, il comprend bien qu'il n'apporte que la catastrophe. Et d'une façon ou d'une autre, dans cette scène-là, c'est ça qu'il dit. On peut faire des pas ensemble, mais c'est quand même pas, ça nous mènera à la catastrophe. Et face à ça, la générale, elle dit une chose qui est fondamentale. Mais moi aussi, j'ai le droit. Et Platonov n'est pas capable de répondre à ça. Le droit de dormir la nuit dehors, ou simplement le droit au bonheur. Parce que quelle était la vie de la générale? Jeune fille, elle a épousé un vieil homme. Enfin, qu'elle n'aimait pas, évidemment, que ses parents lui ont imposé. Ce vieil homme avait un fils, mais peut-être gentil, mais nul, qui est un poids. Et c'est elle qui se retrouve avec la charge d'un domaine ruiné par quelqu'un qui est finalement l'équivalent du père de Platonov. Et c'est elle qui doit tout mener. Et elle est radicalement seule. Et pourquoi elle est-elle attirée par Platonov, alors, en renversant les choses? Ça, faut lui demander. Oui, mais toutes les femmes, d'ailleurs, il doit s'y prendre très bien, visiblement. Oui, toutes les femmes, oui. C'est-à-dire, derrière la pièce de Platonov, il y a quand même deux morts. Il y a deux généraux. Alors, tout à la fin de la pièce, on est dans le bureau du général. Et il y a tous ces bustes, qui sont aussi des personnages creux, des représentations de grands hommes. Et le général mari de Anna Petrovna est mort. Et le général père de Platonov est mort aussi. Donc ils sont sur un dispositif qui, d'entrée de jeu, les rapproche et fait d'eux des personnages complémentaires. Mais c'est quelque chose à quoi Platonov ne peut pas consentir. Et donc, il est attiré par tout le monde et tout le monde est attiré par lui. Peut-être pour essayer de comprendre ce personnage de Platonov, on n'a malheureusement plus le temps d'entendre un dernier extrait, mais je veux quand même vous faire entendre la voix de quelqu'un. Alors, peut-être ne connaissez-vous pas cet extrait qui parle de Platonov et qui le compare à quelqu'un de très connu. Il s'agit de Marcello Mastroianni en 1960. Quand Federico, quand Fellini m'a proposé de faire la Dolce Vita, je suis en train de monter une compagnie théâtrale pour jouer une pièce de Tchekhov qui s'appelle Ce fou de Platonov. Quand il m'a donné le texte, je suis resté choqué parce que Marcello, il rassemble à Platonov d'une manière extraordinaire. Il lui rassemble pourquoi? Pour cette nécessité de l'homme moderne de trouver une raison de vivre, d'être ouvert à toutes les sensations, d'avoir des aventures pour se justifier, pour justifier sa journée, parce qu'il est toujours... il se sent de n'être rien, vous comprenez? Il veut être au centre d'une situation, être regardé. Et Platonov, il croit d'être en conquête, et au contraire, il est toujours... conquistato, come si dice? Conquis. Voilà. Dominé. Jusqu'à la mort. Oui. Et quand j'ai dit, Federico, tu sais, mais c'est extraordinaire. Platonov et Marcello sont pareils. Ça ressemble beaucoup. Ils ne connaissaient? Non. Oui. Pas du tout. Oui, Platonov et le Marcello de la Dolce Vita ont des choses en commun. C'est en fait ici. André Markovitch, vous connaissez cet extrait? Non, je ne connaissais pas, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. On voit ici toute la lignée dans laquelle s'inscrivent les personnages masculins. Maintenant, en fait, un nouveau Platonov, c'est ce qu'aurait pu faire Mastroianni s'il avait joué. Mais c'est vrai, c'est incroyable. Ah, et puis cette volonté d'être au centre. Oui. Oui, qui explique. Et la Dolce Vita, c'est ça. La pièce. Ah, ben c'est beau, ça. Ça veut dire que Tchekhov serait peut-être le premier. Alors, est-ce que ça existe avant dans la littérature, et dans la littérature russe en particulier, le premier personnage qui va incarner de manière aussi forte à la fois le côté donjuanesque dont on parlait, mais aussi cette grande lucidité vis-à-vis de soi? C'est ça, en fait, c'est qu'il a exactement les deux. Il y a Onegin, d'une façon différente. Eugène Onegin, donc de Pouchkine. Oui, oui. Mais ils sont radicalement différentes. Et en fait, c'est Onegin après la fin du roman, une fois qu'il se sera fait, où Tatiana lui aura dit que rien n'est possible. Et là, peut-être, il y aura quelque chose qui commencera. Pour lui. Mais non, Platonov, c'est le seul personnage comme ça. Françoise Morvan, un dernier mot, non? Le dernier mot, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout parlé de l'aspect, comment dire, au bord du gouffre de la pièce, avec derrière tous ces personnages qui pensent à leurs amours, qui essaient de s'en aller, de trouver un échappatoire. C'est ceux qui vont s'emparer du domaine. et qui sont la bourgeoisie avec les pouvoirs d'argent qui sont là et qui en fait regardent tous ces gens s'agiter en disant bah, nous ça va nous rapporter. Parce qu'à la fin, la générale est dans un domaine ruiné et tout son domaine est perdu. Tous ces gens sont au bord du gouffre. Une belle expression de fin, en effet. Merci beaucoup Françoise Morvan et André Markovitch d'être venus nous parler de Tchekhov aujourd'hui. Merci. Et de Platonov en particulier. On se retrouve jeudi prochain pour clore cette semaine sur Tchekhov. Vous viendrez nous parler cette fois-ci de la dernière pièce de Tchekhov, La Cerisée. À jeudi. À jeudi. Погасло солнце тихо на лужке, пастух играет песню на рожке, устали с лбами, слушает там. Гмою Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose de réécouter quatre moments clés de l'année 2019 vus par la philosophie. Aujourd'hui, vous revenez sur l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Personne n'a pu échapper à ce drame qui a eu lieu lundi 15 avril en fin de journée. Édition spéciale, chaîne d'infos en boucle, hommage. On a pu voir au fur et à mesure que le feu ravageait la cathédrale, la foule s'amassait un peu plus pour assister au désastre. Le terme impuissance est d'ailleurs revenu à de nombreuses reprises dans la bouche des badauds, condamnés à contempler les flammes se propager sans pouvoir rien faire. Mais au fond, que regardions-nous s'effondrer ? Symbole mondial de la culture et de l'histoire française, témoin du sacre de Napoléon Ier, des rebondissements de la Révolution, de la libération de Paris ou des obsèques de François Mitterrand, c'est comme si un pan du monde s'effondrait concrètement sous nos yeux, résonnant étrangement avec les théories de collapsologie dans l'air du temps. Un énorme panache de fumée, visible pratiquement dans tout Paris. Notre-Dame est en feu. Le monument le plus visité d'Europe, l'un des symboles de la capitale française. Voici sa flèche qui culmine à 93 mètres, brûlée par les flammes. Elle vient à l'instant de s'effondrer. L'incendie s'est déclenché peu avant 19h. Il aurait pris dans les combles de la cathédrale et s'est étendu à la charpente en bois du monument, construit entre le XIIe et le XIVe siècle. Impossible pour le moment de connaître l'origine exacte du sinistre, mais les pompiers privilégient un accident. Des travaux de réfection sur le toit de l'édifice sont en cours depuis cet été. À notre secours et comme hommage tout près, il y a eu bien entendu Victor Hugo et son chef-d'œuvre Notre-Dame de Paris qui a su en décrire chaque angle et chaque statue de sa base à son sommet. Mais il y avait aussi Gérard de Nerval et ses quelques vers qui auraient pu être ironiques. Notre-Dame est bien vieille, on la verra peut-être enterrer cependant Paris qu'elle a vu naître. Heureusement d'ailleurs qu'Hugo et Nerval ont su parler de la cathédrale avant nous, car il faut le dire, les mots nous ont manqué lundi, l'impuissance nous a frappé jusque-là, le souffle coupé, on l'a retenu jusqu'au moment où Notre-Dame a été sauvée. Mais pourquoi? Certes magistrale, certes immortelle, on en a aujourd'hui la preuve, comment comprendre cependant cette sidération pour ce qui reste un monument? Comment expliquer cet attachement à un lieu qui de fait est voué aux événements et aux éléments extérieurs? Au feu, à l'eau et à l'air, à quoi sommes-nous attachés? Dans ses leçons d'esthétique, Hegel consacre quelques pages à l'architecture romantique et à ce qu'il incarne à ses yeux dans l'architecture, la cathédrale. S'il ne parle pas de Notre-Dame, il est pourtant facile d'y voir un éclairage sur cet effet de sidération que l'on a pu ressentir. Avec la cathédrale, nous dit Hegel, l'impression que l'art doit chercher à produire est en opposition à cet aspect ouvert et serein du temple grec, d'abord celle du calme de l'âme, qui, détachée de la nature extérieure et du monde, se recueille en elle-même, ensuite celle d'une majesté sublime qui s'élève et s'élance au-delà des limites des sens. Si les édifices de l'architecture classique en général s'étendent horizontalement, le caractère opposé des églises chrétiennes consiste donc à s'élever du sol et à s'élancer dans les airs. Cet oubli du monde extérieur, des agitations et des intérêts de la vie, il doit être produit aussi par cet édifice fermé de toutes parts. Adieu donc les portiques ouverts, les galeries qui mettent en communication avec le monde et la vie extérieure. De même, la lumière du soleil est interceptée, ou ses rayons ne pénètrent qu'obscurcis par les peintures des vitraux nécessaires pour compléter le parfait isolement du dehors. Ce dont l'homme a besoin, ce n'est pas de ce qui lui est donné par la nature extérieure, mais d'un monde fait par lui. Et pour lui seul, approprié à sa méditation intérieure, à l'entretien de l'âme avec elle-même. Mais c'est l'orgue de Notre-Dame? Oui, c'est Thomas Beau qui nous a trouvé un orgue mais oui, de Notre-Dame. Je le reconnais. Célébrer. Pour célébrer à fois ce paradoxe du recueillement intérieur et de l'élan vers l'infini, de la beauté sensible qui exprime une idée toute spirituelle, mais aussi paradoxe d'un monument qui en impose à l'extérieur alors même qu'il se concentre sur son espace intérieur, la cathédrale promet l'élévation en permettant de cultiver son intériorité. Si nous avons donc été touchés de plein fouet par la disparition de ces éléments extérieurs, c'est moins par peur peut-être de voir s'effondrer notre désir d'infini, mais plus par inquiétude d'assister impuissant à la dissolution de ce qui, comme le dit Hegel, enveloppe notre monde intérieur. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Colomba Grossi qui m'a aidé à préparer ces émissions avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Élise Leu qui est à la prise de son ce matin. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Anton Tchekhov. Demain, nous serons en compagnie de l'auteur et metteur en scène de théâtre Alain Françon qui viendra vous parler d'Ivanov, la pièce donc de Tchekhov. D'ici là, pour réécouter cette émission, sachez que c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien les télécharger. Podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à volonté pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux où l'équipe des Chemins de la Philosophie sera ravie de répondre à vos commentaires, Twitter, Facebook, Instagram, beaucoup de moyens de nous joindre. On se retrouve demain à 10h précises donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.